وتحذرنا من الاختلاف والفرقة. ويقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ويقول الله سبحانه وتعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. ويقول تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم كما ذكرت من قبل: يقول إياكم ومحدثات الأمور. هذا يدل على أن البدع والمحدثات هي من أسباب الفرقة بين المسلمين ومن أكبر الأسباب وأعظم الأسباب على الفرقة. وكل هذه الآيات والأحاديث إن شاء الله سنشرحها وسنبينها في الجزء الثاني من هذه الخطبة بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. الحمد لله، الله سبحانه وتعالى nous a révélé le Coran dans lequel il y a la guidance et la lumière. Et Allah سبحانه وتعالى il nous dit dans surat Al-Imran: Ya ayyuha alladhina amanu, ô vous qui avez cru, craignez Allah comme il mérite d'être craint. Et ne mourrez qu'en étant en état de soumission, qu'en état musulman. Et accrochez-vous tous au câble d'Allah subhanahu wa ta'ala et ne vous divisez pas. Et souvenez-vous de la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala sur vous. Lorsque vous étiez des ennemis, et Allah subhanahu wa ta'ala a rassemblé et a réuni vos cœurs, et vous êtes devenus des frères par sa grâce. Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset, il nous interdit de nous diviser. Et il nous ordonne de nous unir. Et il nous rappelle que les musulmans, avant l'islam, avant qu'ils se convertissent à l'islam, ils étaient des ennemis. Et que Allah subhanahu wa ta'ala a mis l'amour et le rapprochement entre leurs cœurs. Pourquoi et comment? Bien entendu, c'est par l'islam, et par l'iman, et par le tawhid. Et c'est de cette manière que Allah subhanahu wa ta'ala a mis sa grâce sur les croyants et qu'il a réuni leur cœur. Et il dit: Wa kuntum ala shafa hufratin min an-nar fa anqadhakum minha. Vous étiez au bord d'un abîme, d'un gouffre de feu, et il vous en a sauvé. Kadhalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi. C'est ainsi que Allah subhanahu wa ta'ala vous clarifie ses signes pour que vous soyez guidés. Et pour qu'il y ait parmi vous un groupe, une partie de la Ummah qui appelle les gens au bien, qui leur commande le bien et qui leur interdit le mal. Et ceux-là, c'est ceux qui auront le succès. C'est ceux-là qui auront le succès parmi cette Ummah. Et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit: et ne soyez pas comme ceux qui se sont divisés et qui ont divergé après que leur soit arrivée l'épreuve claire. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. Ne soyez pas comme ceux avant vous qui ont divergé et qui se sont divisés entre eux après que les preuves claires leur furent révélées. واولئك لهم عذاب عظيم. Et ceux-là auront un dur châtiment. Mais c'est la preuve ici que de se diviser et de diverger entre nous sur les choses de la religion qui sont dans les fondements et dans la base, c'est quelque chose d'interdit. Et ce n'est pas quelque chose qu'on peut accepter. Et ce n'est pas quelque chose qu'on peut permettre entre les musulmans. Parce qu'actuellement, il y a cette tendance qui existe parmi les musulmans et qui consiste à refuser la distinction entre les gens qui sont sur des croyances ou sur des fondements ou sur des principes divergents et différents. Et donc, ça veut dire qu'ils refusent qu'on clarifie la vérité et qu'on distingue entre le vrai et le faux. Et il faut donc comprendre que la Ummah du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, aujourd'hui elle est divisée, et c'est pas quelque chose de nouveau, et c'est pas quelque chose qui vient d'arriver et de se produire. Cette division, elle existe depuis longtemps, et c'est pas quelque chose non plus qui est une surprise, ou c'est pas quelque chose qui est surprenant non plus, puisque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous avait averti de cette division, et nous avait prévenu que cette division-là, elle allait se produire. Et non seulement le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a averti du problème en question, et de la division et de la divergence, mais il nous a également révélé et donné la solution et le remède à cette divergence. Et c'est pour ça que il nous a dit dans plusieurs hadiths que cette Ummah, elle va se diviser. Et il y aura après lui beaucoup de divergences et beaucoup de divisions. Et il nous a dit juste après, alors accrochez-vous à ma Sunnah et à la Sunnah de mes successeurs bien guidés après moi. Accrochez-vous à celle-ci et mordez dedans avec vos molaires et prenez garde aux nouvelles choses qui sont inventées dans la religion, parce que chaque chose nouvelle que quelqu'un invente dans l'islam, c'est une bid'a, c'est une innovation, et toute innovation est un égarement, et tout égarement amène au feu de l'enfer. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit qu'il y allait avoir de la division, puis en même temps il nous a expliqué que la solution et la résolution de ce problème, c'est de revenir à sa sunnah, et de s'accrocher à la sunnah de ses successeurs bien guidés, et également de s'écarter des innovations et des sectes et des groupes. Et c'est ça qui fait qu'on est sur la vérité. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que les juifs se sont divisés en 71 sectes, et les chrétiens se sont divisés en 72 sectes, et les chrétiens et les musulmans, cette Ummah, il a dit la Ummah va se diviser en 73 sectes, encore plus de sectes que ce qu'il y avait chez les gens qui étaient précédemment ou qui étaient avant nous. Et il a expliqué le problème, et tout de suite après, il a expliqué la solution. Comment on fait, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on trouve cette division et cette divergence. Il a dit, comme les sahabes ont demandé, « Faman hiya, ya Rasulallah, c'est laquelle d'entre ces sectes ?» Parce qu'il a dit, elles seront toutes. En enfer, c'était une. Les 72 seront en enfer, et une seule sera au paradis. Les sahabes ont dit, « C'est laquelle, au messager d'Allah ?» qui va être au paradis, parce que les sahabas veulent faire partie de cette secte, veulent faire partie de ce groupe qui va aller au paradis. Il a dit, c'est laquelle? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, c'est la jama'a. Et dans une autre narration de ce même hadith, il a dit, c'est celle qui est sur ce que je suis moi-même aujourd'hui, ainsi que mes compagnons. Donc, il nous a expliqué le problème, et il nous a expliqué la solution de ce problème. Et c'est-à-dire de s'accrocher au Coran, et de s'accrocher à la Sunna, et de s'accrocher à l'exemple des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour comprendre cet islam, pour comprendre cette religion. Et justement dans le verset qu'on a lu tout à l'heure, « Yawma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh » le jour où des visages deviendront éclatants et clairs, et d'autres visages deviendront sombres, et obscur. Abdullah ibn Abbas, il a dit à propos de ce verset que les visages des gens qui vont s'éclaircir, c'est les gens de la Sunna et de l'Ijtima, les gens qui se réunissent sur la Sunna et sur la vérité. Et les gens qui vont avoir le visage assombri, ce sera les visages des gens de la division et de la bid'ah. Donc, il a fait cette distinction pour nous faire comprendre que parmi les musulmans, il y en a qui vont rester sur la Sunna et qui vont rester sur la vérité, et il y en a d'autres qui vont s'égarer et qui vont suivre autre que la Sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'ala al-haq la yadurruhum man khazalahum ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. Le prophète sallam a dit, il y aura toujours un groupe de ma ummah qui va être victorieux sur la vérité. Ceux qui vont les abandonner ne pourront pas leur nuire en quoi que ce soit. Et ceux qui vont s'opposer à eux ne pourront pas leur nuire en quoi que ce soit. Et ils vont rester sur la vérité jusqu'à ce que l'heure du jugement dernier arrive. Donc ça veut dire, peu importe les problèmes qui peuvent exister dans cette ummah, peu importe la quantité de musulmans qui peuvent s'éloigner du droit chemin parmi les musulmans, il y aura toujours parmi eux, peu importe à quel endroit, peu importe à quelle époque, un groupe d'entre eux qui s'accroche fermement à la sunna et qui reste sur les principes de l'islam et qui ordonne le bien et qui interdit le mal. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Bada al islam ghariban » وسيعود غريبا كما بدا فطوبى للغرباء. Le prophète sallam a dit, cette religion, elle a commencé d'une manière étrange. Et elle redeviendra étrange comme elle a commencé. Alors, donnez la bonne nouvelle aux étrangers. C'est-à-dire à ceux, comme c'est expliqué dans un autre hadith, ceux qui se réforment eux-mêmes et qui réforment les autres vers la fin des temps. Hein? الذين يصلحون الناس ويصلحون أنفسهم. Et il faut faire également attention à cette époque et dans les époques précédentes également, mais en particulier à notre époque, des gens qui veulent éviter d'expliquer et de clarifier aux musulmans les divergences qui existent dans les fondements de l'islam et dans les divergences qui existent au sujet de la croyance et de la aqida, et au sujet du tawhid, et au sujet de la sunna, et qui cache ces divergences-là aux musulmans, soi-disant, au nom de l'unité, et pour éviter de soi-disant diviser les musulmans. Et donc, il ne parle jamais de la aqida de l'islam, il ne parle jamais du tawhid, il ne parle jamais de la sunna, et des principes de l'Ahl-Sunna wal Jama'a. Et ils disent, nous sommes tous musulmans, on doit tous s'unir, peu importe nos divergences. Et ça, c'est dangereux et c'est grave. Parce qu'il y a des gens qui ont de mauvaises intentions, qui en profitent pour se faufiler et se propager parmi les musulmans, pour propager leurs idéologies contraires au Coran et contraires à la Sunna. Et c'est pour ça que les ulama de l'islam, depuis des siècles, ils ont mis en garde contre des sectes comme Al-Qadariya, Al-Khawarij, المعتزلة، الجهمية، الشيعة الرافضة، الصوفية، et plein d'autres طرق، et plein d'autres groupes de بدعة et d'innovation، hein? Comme les أشاعرة et Maturidiyya، et bien d'autres sectes encore. Certaines d'entre elles sont mortes. Certaines d'entre elles sont encore là parmi nous et elles se propagent parmi les gens. Et des fois, elles n'existent pas en tant que groupe, mais elles existent en tant qu'idée, en tant que pensée, en tant que principe, et certains appellent à ces idées-là. Hein? Donc, si on veut s'unir, et il faut s'unir, et c'est une obligation de s'unir, mais en même temps, si on veut s'unir réellement, et on veut une unité réelle, il faut qu'on s'unisse sur la vérité. On ne peut pas faire semblant qu'on est unis et qu'on est tous musulmans, si chacun d'entre nous, on a une définition différente de ce que signifie l'islam. Si tu vois des gens, par exemple, qui se disent musulmans, et puis qui vont à la tombe d'un ami pour lui demander l'aide après sa mort, et ils vont égorger un mouton ou un animal sur sa tombe, et puis après ils disent, je suis musulman. Alors que ça, c'est du shirk akbar. Comment tu dis que je suis musulman et tu fais ça? Hein? Comment quelqu'un qui dit par exemple qu'il est musulman et qui croit en la ilaha illallah Muhammad Rasulullah et il insulte les sahaba et il insulte Abu Bakr al-Siddiq radiallahu anhu et il insulte Omar ibn Khattab radiallahu anhu et il insulte Othman ibn Affan radiallahu anhu et il insulte Aisha radiallahu anha et il insulte As-Sabiqoun al-Awwaloun min al-Muhajirina wal-Ansar. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala les a glorifiés et à faire leur éloge dans le Coran et dans la Sunna. Comment on peut dire, on va s'unir avec ces gens-là? Quelqu'un, hein, qui adore les morts et les tombes et qui dit, je suis musulman. Quelle compréhension de l'islam il porte à cet individu? Les gens qui font de la sorcellerie et de la magie et du sihr et qui prétendent connaître l'avenir et le règne et qui se disent musulmans et qui disent la ilaha illallah et qui détruisent la ilaha illallah en même temps en défendant ou en pratiquant des actes de sihr et de charlatanisme, hein, de superstition et des choses de ce genre. Qui croient en l'horoscope, qui croient en toutes sortes de choses qui sont contraires au tawhid. Comment on peut accepter ce genre de choses? Des gens qui font des actes de terrorisme au nom de l'islam, des gens qui mettent des bombes sur eux-mêmes ou dans leur voiture, ou quelque part ils s'en vont là où il y a des gens qui sont réunis et ils se font exploser au nom de l'islam, au nom du djihad, et ça n'a rien à voir avec l'islam et ça n'a rien à voir avec le djihad. Est-ce qu'on peut s'unir avec des gens qui pensent de cette manière-là et qui font tout ce qui est contraire au Coran et tout ce qui est contraire à la Sunna et qui agissent selon la voie des Khawarij, qui font le takfir des musulmans et qui égorgent les musulmans, hommes et femmes et enfants et vieillards sans aucune pitié et qui disent qu'ils sont musulmans et qui disent qu'ils sont sur le Coran et la Sunna et ils mentent à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala et à propos du Coran et à propos de la Sunna? Est-ce qu'on va dire, on va oublier nos divergences et on va s'unir avec ces gens-là qui font des actes de ce genre, hein? Des gens qui placent leur aql devant le Coran et la Sunna et qui pensent qu'ils peuvent juger la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand ils lui disent qu'Allah, Allah, qu'Allah Rasulullah, ils disent, oh, ça fait ma cour, c'est pas logique. Ils rejettent le hadith sahih. Hein? Est-ce que toi tu vas mettre ton petit cerveau, hein, qui ne mesure même pas un grain de sable par rapport à l'univers que Allah a créé, et tu penses que tu peux comprendre plus que ce que Allah a dit, et plus que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam? Demande au ulama, si tu ne comprends pas quelque chose, demande au ulama. فَسْأَلُوا أَهْلَ الزِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Juge pas avec ta tête et tu rejettes la preuve et tu rejettes le dalil comme le Mu'tazila. Et il y a un groupe aujourd'hui qui suivent cette bid'a et qui disent qu'ils sont musulmans et qui suivent cette voie et qui rejettent la sunna. Il y en a qui la rejettent au complet, la sunna. Et il y en a qui rejettent certaines choses qui ne sont pas en accord avec leur hawa, leur passion et qui disent qu'ils sont musulmans. Est-ce que c'est comme ça qu'on va s'unir? Si on n'a pas clarifié ces choses-là comme il faut, donc il est important de comprendre ces choses-là. Il y en a des musulmans qui disent « La ilaha illallah ». Et quand tu lui parles d'Allah subhanahu wa ta'ala et tu lui cites les versets dans le Coran, « Ar-Rahmanu ala al-arsh istawa » Allah subhanahu wa ta'ala s'est élevé au-delà de son trône. Et là, ils disent « Non, il ne faut pas dire ça. A'oudhu billah, astaghfirullah. » Alors que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a dit. Et ils veulent nier les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, il le dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il le dit, quand l'esclave est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, Aïna Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Aïna Allah. Et la servante, l'esclave, elle a répondu, elle a dit, Fis sama. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Woman ana, elle a dit, Anta Rasulullah. Il a dit, I'tiqha, fa innaha mu'mina. Il a dit, libère-la, car c'est une croyante. Aujourd'hui, il y a des groupes et des individus qui disent qu'il ne faut pas accepter ces paroles. Il faut rejeter les attributs d'Allah. Il faut déformer leur signification et leur sens. Comme les Mu'tazila, les Jahmiya, les Asha'ira et les Maturidiya qui sont répandus dans le monde entier maintenant et qui nient les attributs d'Allah. Est-ce qu'on peut se réunir avec des gens comme ça? Hein? Bon, ça, c'est des exemples. Il y a des gens, par exemple, ils font des bizarres, ils inventent des choses dans la religion. Ils se réunissent dans des centres, dans des zawayas, dans des mosquées. Ils commencent à chanter, à danser dans la mosquée avec des tambours. Les hommes et les femmes qui tournent en rond, qui sautent, hein, et qui commencent à faire des danses. Et ils disent que ça c'est une ibad. Et ils disent que ça rapproche à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils disent que ça c'est une hub. c'est la mort du messager sallallahu alayhi wa sallam. هذا كذب هذا بختان على الإسلام وكذب على الله وكذب على رسوله صلى الله عليه وسلم فهذا المنصوص في الله المنصوص contre son messager صلى الله عليه وسلم الإسلام ne nous a pas enseigné à danser et à chanter et à faire ce genre de choses mais il y a des groupes il y a des individus qui appellent à ces choses-là et qui disent que ça ça fait partie de l'Islam et ça c'est un mensonge et ça c'est grave. Et tout ça, ça fait partie des innovations qu'il faut rejeter. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a mis en garde contre toutes ces choses. Et il nous a averti contre ces choses-là pour nous dire que c'est ça qui va amener de la division dans la Ummah. Que c'est ça qui va créer de la division entre les musulmans. Maintenant, à Montréal, on retrouve toutes les tendances, toutes mélangées. Tu rentres dans une mosquée, tu pries à côté de quelqu'un. Tu sais pas s'il ne prend pas dans sa tête qu'il a le droit de s'égorger ou non. Tu sais pas si dans sa tête, il croit que, il pense que Allah n'existe pas, qu'il n'est pas au-delà de son trône. Et il nie la parole d'Allah, il nie les attributs d'Allah, il nie la sunna. Tu pries à côté de quelqu'un, tu sais même pas c'est quoi ta aqida. Tu sais même pas qu'est-ce qu'il a dans sa tête, dans son cœur. Parce que tout le monde est mélangé, chacun pour soi. Et il y a personne qui fait la correction. Il n'y a personne qui fait le tahdir, il n'y a personne qui fait le ta'lim, il n'y a personne qui enseigne aux musulmans les bases de cet islam. Tout le monde, chacun pour soi. Quelqu'un vient de là-bas, quelqu'un vient de notre pays, quelqu'un vient de notre pays, tout le monde se réunit, tout le monde est mélangé. Personne n'a une compréhension claire de l'islam. Est-ce que ça c'est quelque chose qui est correct? Est-ce que ça c'est quelque chose que Allah subhanahu wa ta'ala aime? Est-ce que ça c'est quelque chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aime? Allah subhanahu wa ta'ala, il a commencé par réunir les cœurs des croyants. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ بالإيمان بالتوحيد بالسنة بالإخلاص. C'est avec la foi, avec le tawhid, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, avec la sunna que Allah a réuni les cœurs des croyants. Ce n'est pas juste de se réunir physiquement et d'être assis ensemble et de faire une activité ensemble, un pique-nique hein, ou un barbecue, ou bien de se réunir ensemble pour une cause politique, comme pour la Palestine ou des choses de ce genre. Vous pouvez vous réunir même avec des communistes, même avec des laïcs, même avec des socialistes, pour faire des manifestations dans la rue et vous prétendez que vous faites ça pour l'islam. Alors que vous réunissez et vous faites des démonstrations avec les ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala et ceux qui détestent la charia et qui détestent l'islam et vous dites que vous voulez défendre la Palestine, retenez votre aql. Alors ça c'est des exemples aussi. Comment on peut s'unir avec des gens qui croient en ces fondements de démocratie et de laïcité et qui prétendent croire en l'islam. نسأل الله العافية نسأل الله أن يهدينا نسأل الله أن يرجعنا إلى عقيدتنا الصحيحة الواضحة الصافية وأن يطهر قلوبنا من الرياء ومن النفاق ومن الشبهات والشهوات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وقوموا إلى صلاتكم بارك الله فيكم. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله سو اعتذروا سو صفوفكم أنا أعتذر عن التأخر اليوم يا خطبة بارك الله فيكم الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم